Internacional. Longe da vista, perto do coração. Il est 19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Bienvenue dans Electric Shock, votre magazine métal du mardi soir. Et bien, ravi de vous retrouver une fois de plus. Et bah, c'est vrai que nous sommes en décembre, il fait froid, très froid. Et croyez-moi, ce qui va suivre ce soir, ça va vous réchauffer les oreilles, le corps et tout le reste. Car 2 heures de métal en fusion, ça fait toujours du bien. Par où ça passe? Alors, ce qui vous attend, ce sera des nouveautés qui seront au nombre de 5 ce soir. Et ouais, on vous gâte hein, quand même. Et puis aussi un petit retour sur ce qu'il y a eu ces dernières semaines, car on est comme une actualité quand même assez riche, enfin comme c'est le cas d'ailleurs, parce que le monde du métal ne s'arrête jamais. Vous êtes prêts? Vous êtes bien installés? Bien, on va commencer tout de suite avec la première nouveauté de la semaine, avec quelque chose que je suis tombé dessus vraiment par hasard. C'est le live de Nickelback, Live from Nashville, qui est sorti la mi-novembre. Je croyais d'ailleurs que Nickelback avait déjà sorti plusieurs albums live, mais en fait non, c'est vraiment leur premier. Alors qu'ils ont déjà, je crois, pas loin d'une dizaine d'albums. Alors Nickelback, superstar aux États-Unis et au Canada. Par contre, chez nous, la sauce a toujours eu du mal à prendre. Peut-être parce que le groupe a ce qu'on appelle le cul entre deux chaises, coincé entre des morceaux bien péchus et d'autres... plus soft, qu'on certains diront voire même guimauve. Je sais que Nickelback, c'est le groupe que beaucoup de gens aiment détester. Quand d'ailleurs tu demandes pourquoi ces gens-là détestent, ils ne savent même pas trop quoi répondre. Après tout, il en faut pour tous les goûts, enfin bref. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui disent, tout simplement, ils font la même chose à chaque fois. Ouais, ok. Après tout, d'autres groupes ont fait la même, ont trouvé de la formule qui marchait et qui a plu au public. Je pense à AC/DC, les Ramones, Motorhead, Status Quo, quelque part, ils ont toujours fait un petit peu la même chose. Et malgré tout, ça ne les a pas empêchés. Enfin bref, toujours est-il que sur ce live enregistré sur la dernière tournée, on y trouve donc tout ce qui fait le charme. Si vous aimez ou si vous détestez, c'est Nickelback, tout simplement. Extrait de ce live from Nashville, tout de suite, Saint Quentin. Back. Saving Me et San Quentin, donc deux extraits du premier live de Nickelback, Live from Nashville, sorti mi-novembre, et c'était également les deux premiers titres d'Electric Shock, également la première nouveauté de la soirée. Bon, bah moi Nickelback, je sais que bah, c'est un groupe que j'apprécie. D'ailleurs, si vous êtes des fidèles depuis plusieurs années, vous avez dû remarquer que bah, chaque sortie, quasiment, bah, on vous passait quelques extraits, et j'ai eu la chance de les voir en concert, et croyez-moi, j'ai passé vraiment un très très bon moment. On va continuer maintenant avec ce qui était une des nouveautés la semaine dernière avec la franco-américaine Tara Hu avec le point d'interrogation et son nouvel album The Last Chase, et on va se faire une petite douceur qui s'appelle Safe Zone. Area secure. You have now entered the safe zone. We will not condone violence, bullying, racism, or any types of harassment. However, in order to enjoy this experience, we strongly encourage you to fucking let go. Forget your phones, be in the moment, be respectful, and have a fucking blast. Welcome to our show. Yeah! Evolution Theory, c'est le titre du dernier album de Mind. Et là, c'était Slapping Show. Juste avant, c'était Tara Who, avec le point d'interrogation. Et son dernier opus, The Last Chase, avec le morceau Safe Zone. On va changer complètement de registre, on va faire quelque chose d'un petit peu plus brutal, si vous voulez bien, avec la deuxième nouveauté de la soirée, avec un groupe qui s'appelle Time Lurker. Alors Time Lurker, c'est un groupe de black metal atmosphérique qui existe depuis déjà une dizaine d'années, depuis 2014, oui, ça fait donc 10 ans. Ils ont déjà sorti un album, un EP et un split album. Le dernier date d'il y a 5 ans, et là, leur tout nouvel album complet est sorti là mi-novembre, il s'appelle Emprise. Et je vous invite à découvrir un petit morceau épique qui s'appelle Cavalière de Feu. Cavalière de Feu, ça c'est un extrait de Emprise, le nouvel album des black metalleux de Time Lurker, et c'est également donc la deuxième nouveauté pour Electric Shock ce soir. Changement d'ambiance, mais bien torturé aussi avec Bowels of Suffering, le nouveau projet de Mathieu Morand, entre autres guitariste de Dusk of Delusion et de plein d'autres choses. Avec son album donc BOS 2.0 qu'on vous passe déjà depuis plusieurs semaines. Et là, je vous invite à découvrir le morceau 618MT. Nothing. Oh, wait, you're first. Your blades are sharpened with precision, flashing your favorite point of view. I know you're waiting in the distance, just like you always do. Just like you always do. Already pulling me in, already under my skin. And I know exactly how this ends. I let you cut me open just to watch me bleed. Gave up who I am for who you wanted me to be. Don't know why I'm hoping for what I won't receive. Falling for the promise. promise of the emptiness machine. The emptiness machine. Avec The Emptiness Machine, Linkin Park, et qui sera une des têtes d'affiche de Duel Fest. Ça y est, l'affiche est connue, donc au mois de juin, en compagnie donc de Korn, Scorpion, ainsi que de Muse. Muse, c'est un petit peu surprenant, mais enfin bon, voilà. Donc, Emptiness Machine et sa petite intro, From Zero, d'ailleurs, qui donne son titre à l'album, juste avant et avant. Donc, les Frenchies de Bowels of Suffering et leur album BOS 2.0, et c'était 618 mégatonnes. Changeons un petit peu encore de style avec ce qui était une nouveauté la semaine dernière avec Faraway, groupe très impliqué dans l'écologie et le métal quand même assez particulier entre Meshuga, Pink Floyd et Gojira. Enfin, il y a plein d'influences différentes. Et donc, on va se faire un morceau assez épique de ce Solastagia qui est le dernier album. On va se faire Nomads. Yeah. vraiment très intéressant ce Sola Stagia, l'album de Faraway, comme vous avez pu le constater sur ce morceau Nomads. Bref, un groupe vraiment à découvrir. J'espère que bon, on entendra parler incessamment sous peu. Eh bien, maintenant, on va se faire une nouveauté, la troisième de la soirée. On va changer complètement de style une fois de plus avec un auteur-compositeur français que bon, vous êtes déjà passé dans Electric Shock. Il s'agit d'un Cyril Capel. Cyril Capel, bon, il est plutôt connu, en fait, dans le genre de variété rock. Mais enfin, il a écrit, c'est vrai, pour des gens aussi variés que Natacha Saint-Pierre, Grégoire, ainsi que Parabellum. Il s'est accoquiné, d'ailleurs, sur son album, quand même, de gens prestigieux. Par contre, on y trouve David Jacob à la basse, entre autres, bassiste de Trust. Et aussi du groupe d'Arthur Walden. On y trouve Hervé Koster à la batterie, quand même. Quelqu'un qui a joué avec aussi Trust, Jean-Louis Bertignac et plein de choses. C'est à côté chanson française, mais avec un côté aussi pop, rock, glam, blues aussi. Enfin, il y a plein de choses différentes sur cet album qui s'appelle donc KPL, qui est sorti vendredi. Et on va se faire un petit morceau assez blues qui s'appelle Red. Ah, s'il veut bien partir. We'll be right back. crap. Rapture on a Disney cartoon. Drama was on the menu. And the hires and care in the zoo. Agréable nouveau projet de Filmog, Mox Motel, avec le morceau Weather. Juste avant, c'était la troisième nouveauté de la soirée avec Capel, Cyril Capel, donc, et son album, donc KPL, et le morceau Red. 19h52 sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Et oui, c'est bien Electric Shock et Electric Shock tous les mardis soirs entre 19h et 21h. Faisons-nous quelque chose d'un petit peu plus péchu avec le groupe de néo-metal Red Gordon, que vous connaissez bien parce que ça fait déjà quelques semaines qu'on en passe, des extraits de leur dernier album, Nothing Less Than Everything. Et on va se décrasser This Gourd avec Kizikal Mind, si vous voulez bien. But I find this, I feel my face and I die. Forbidden Dream, ça c'est un extrait du EP de The Pyre, des sympathiques Ice Chemicals, qu'on avait eu la chance de voir à Orléans au Dropkick, il y a de ça à peu près une semaine et demie. Et si vous avez envie de découvrir un peu plus ce groupe, il faudra écouter Electric Shock en début d'année prochaine, où vous aurez donc la retranscription de l'interview que j'ai eu la chance de faire avec ces sympathiques Joyeux Drilles. Juste avant Ice Chemicals, c'était donc le groupe Red Gordon et son album Nothing Less Than Everything, et c'était Quizzical Mind. On va se faire encore une nouveauté, la quatrième de la soirée, avec un jeune groupe qui s'appelle Stubborn Trees. C'est le premier album, enfin, premier LP exactement, parce qu'ils ont déjà, ils existent déjà depuis plusieurs années. Ils nous ont sorti déjà deux EP, dont le premier était sorti en 2020. Alors musicalement, qu'est-ce qu'on peut dire de Stubborn Trees, de ce que cet album qui s'appelle donc Stronger the Wind, que c'est un mélange de rock, de blues, de grunge, de metal, bref, un mélange très satisfaisant avec des choses très intéressantes. Donc vous allez pouvoir vous en rendre compte tout de suite avec le morceau Yeah Hey. Take a step back, things on the back. Don't be afraid to fall. L'album posthume de MC5, Heavy Lifting, c'était Black Boots. Juste avant, c'était une des nouveautés de la semaine, la quatrième de la soirée, le groupe Stubborn Trees et son premier album The Stronger the Wind. Et vous avez droit au morceau Yeah Air. Et bien la suite, et bien vous savez que la fin de l'année approche, donc les concerts se font de plus en plus rares. Dans les gros concerts, bah, j'ai vu qu'il y avait Slipknot qui passait jeudi soir à l'Accor Arena Hotel pour les 25 ans de son premier album. Donc nul doute que Nostalgie oblige, le groupe va jouer certainement une grande partie, voire même l'intégralité de cet album de Fou Furieux, voire même quelques autres classiques. Et bah, pour ceux qui ont la chance de pouvoir y aller, parce que c'est complet depuis belle lurette, vous allez, je pense, vous régaler. Puis sinon, bah, on va se mettre un petit peu dans l'ambiance. Et pour ça, on va revenir au CD-DVD live Day of the Gusano Live in Mexico, qui était sorti en 2017 et qui contient donc le concert de Mexico enregistré en décembre 2015. On va se faire deux petits classiques qui, je pense, normalement, devraient être à l'affiche. Par exemple, ce Before I Forget. Señor Siete. We'll be right back. I said, do you want some fucking more? Hands in the air. N'est-ce pas cette petite doublette de Slipknot, High Horror à l'instant et le classique Before I Forget, donc tous deux extraits du CD-DVD Day of the Gusano live in Mexico enregistré en 2015 et sorti en 2017, et Slipknot donc qui sera en concert donc jeudi soir à l'Accor Arena pour une soirée donc qui promet d'être vraiment explosive, ça c'est clair. La suite, eh bien, ça va être encore une nouveauté, la cinquième et la dernière de la soirée avec un groupe que vous connaissez parce qu'on a déjà passé dans Electric Shock. C'est un groupe qui nous vient de Corrèze, de Tulle exactement, qui s'appelle Vis-à-vis, qui nous a déjà sorti un album et un EP. Donc ils viennent de nous sortir là, un nouveau EP de 6 titres, mi-octobre, qui s'appelle The Art of Collapse. Alors c'est un mélange de métal, de punk, de très bonnes choses. Je pense que ça va être un groupe vraiment à découvrir en concert. Eh bien, on va se faire tout simplement le morceau qui donne son titre au EP, c'est The Art of Collapse. We'll be right back. y a des CD des fois, vous savez pas pourquoi. Vous écoutez, vous trouvez ça pas mal, intéressant, sans plus. Vous le mettez une fois, deux fois, trois fois, ça vous plaît. Ça finit par vous plaire beaucoup. Et finalement, vous vous dites, mais putain, c'est génial. Et ben, c'est le cas du EP de Murder the Pony Club, A Human Story. Un EP qui n'a qu'un seul défaut, ben, il n'a que 6 titres. Et là, c'était donc Gravity. Juste avant Murder de Pony Club, c'était la dernière nouveauté de la soirée, la 5e, avec un groupe qui nous vient de Corrèze, qui s'appelle Vis-à-vis, qui a déjà sorti plusieurs albums, qu'on a déjà d'ailleurs passé dans Electric Shock. Cet EP s'appelle The Art of Collapse. C'était le morceau donc qui donnait son titre qu'on a eu ce soir. Maintenant, on va se faire un petit bond dans le temps avec du pur métal, avec un groupe qui nous vient de Savoie, qui s'appelle Soho, qui avait sorti un album en 1990 en autoproduction, qui depuis était complètement introuvable. Mais l'excellent label Steel Shark l'a ressorti là cette année, accompagné donc de démos, d'extraits de répétition. Bref, pour les acharnés qui avaient déjà l'album d'origine, c'est que du plus. Et pour ceux qui ne connaissent pas ce groupe injustement oublié, c'est l'occasion de découvrir un groupe sympa de cette époque-là qui pratiquait donc un hard rock à la française, comme on appelait ça, comme dans la tradition des ADX, Killers et compagnie. Donc extrait de cet album De Profundis, qui vient donc d'être réédité. On va se faire donc ni Dieu ni Maître. We'll be right back. Prince des Ténèbres, c'était un extrait de Condamné, le premier album de Malédiction qui initialement était sorti en 2001 et qui a été réédité cette année par le label Steel Shark dans un coffret. Enfin, il y a plein de versions différentes ou autres. On peut trouver, je pense, encore quelques versions du double CD qui contient donc l'album en remixé 2021 dont on a eu un extrait ce soir avec plein de bonus, des démos, des lives, plein de choses. Bref, pour tous les amoureux de métal français, un must. Autre réédition juste avant, de 1990 à l'origine, c'était Soho, avec son premier et unique album de Profondis sorti, et c'était ni Dieu ni Maître. On va changer de complètement de registre encore une fois, avec un groupe que j'ai un petit peu laissé tomber ces dernières semaines. C'est le nouvel album du groupe Bis, BY2SHE, en hommage à Percy Bis Shelley, qui nous pratique un rock psyché très intéressant sur son dernier album, La Sibylle sur le sable. Et on va se faire un morceau, moi que j'adore, qui s'appelle Psychonauts. je le trouve bien sympa, ce morceau bien psyché, extrait donc de la Sibylle sur le sable de groupe Bis. C'était donc Psychonauts. On va se faire quelque chose un petit peu plus furieux maintenant, si vous voulez bien. On va revenir aux Parisiens de Lone Survivors et leur EP, vraiment, moi, ce que j'appelle un mini EP, puisqu'il n'y a que 3 titres, avec une petite douceur qui s'appelle T-I-N-H-O-W. En gros, There is no other way. Yeah! philosophie, la fin du nerf, de la fin de cette terre, le meurtre du terre, je te heurte profond, tes viscères, récours la nuit, oublie les visites, la ville se finit par un air sali, par la peur et ma salie. Ouvre ta bouche, finis les groupes, que je te cartouche, prends ta souche, c'est la fin, aucune rescousse. Ça, c'était le mot d'ordre de Crack, groupe de trap metal franco-italien, extrait donc de leur EP Bakounin. Juste avant, Lone Survivors et cette petite douceur qui était T-N-O-W, extrait du mini-EP Run One. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, vous avez acheté Rock Hard ce mois-ci, qui vient de sortir. Eh bien, moi, je l'ai acheté samedi et quand j'ai eu la surprise, c'était de voir une belle couverture avec la pochette de Power Slave d'Iron Maiden. J'étais un petit peu surpris puisque l'album, j'ai bien, il a 40 ans, mais il était sorti initialement en septembre. Je me serais plutôt attendu à l'avoir à ce moment-là. Enfin bon, ne boudons pas notre plaisir. J'ai pu voir donc qu'il y avait une interview de Steve Harris qui raconte la genèse de cet album mythique. Bon, pour l'instant, j'ai pas encore eu le temps de le lire, donc je peux pas vous en parler. Et ben, je me suis dit que ce soir, ce serait sympa de se faire un extrait donc de cet album mythique qui, 40 ans après, est toujours aussi magnifique. Puis d'ailleurs, tiens, vous le savez peut-être, si vous êtes fan d'Iron Maiden, Nico McBrain, le légendaire batteur, ça y est, a pris sa retraite après 42 années au sein de la Vierge de Fer. Il faut dire qu'il avait eu des ennuis de santé assez sérieux récemment quand même, et qui l'empêchait quand même de jouer certains morceaux. Enfin, toujours est-il que Steve Harris n'a pas perdu son temps, le remplaçant est déjà connu. Il s'agit d'un certain Steve Dawson, vous connaissez peut-être parce qu'il fait partie du projet parallèle de l'ami Harris British Lion. Donc cet été, quand on aura l'occasion de voir Maiden, ce sera sans Nico. Il va nous manquer, c'est sûr, mais enfin bon, attendons de voir ce que nous donne le successeur. Eh bien, on va se faire tout simplement le morceau type Power Slave, toujours aussi magnifique. Into the abyss I fall. vous aurez reconnu, j'imagine, le classique d'Iron Maiden, Power Slave, extrait donc de cet album mythique sorti en 1984. Eh ouais, il y a déjà 40 ans. Et ben pour Electric Shock, c'est presque fini. On a juste le temps de se faire un dernier petit morceau avant de passer le relais à Electro Live. On va refaire un petit tour en Belgique, retrouver le groupe de métal symphonique Vision avec un Y. Et on va se faire un extrait du EP Master of Laws et on va terminer avec Prophecy. Des Belges de Vision, extrait Master of Laws. Ce sera donc le dernier morceau pour Electric Shock ce soir. Eh bien, merci encore une fois d'avoir été à l'écoute. J'espère vous retrouver la semaine prochaine nombreux, parce que la semaine prochaine, ce sera la dernière de l'année et l'émission de Noël, donc plein de cadeaux à rafler. Donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour la semaine prochaine. Mais en attendant, ce qu'il faut, c'est pour tous les amis Nightclubbers, c'est de rester branchés sur Radio Arc-en-Ciel, parce qu'Electro Live va commencer maintenant. Salut Christophe. Salut, salut. Bonsoir à toutes et à tous. Qu'est-ce qu'il y a-t-il au programme ce soir? Un set Tech House, House, mais à forte sonorité tribale. Voilà. Voilà. Donc la musique continue. Electro Live, c'est tout de suite maintenant avec Christophe. Je vous laisse et à la semaine prochaine. Restez bien branchés sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Salut à tous. Electro Live. Chris Space on Radio Arkansas 96.2.